Aujourd'hui, la télévision est venue nous voir pour constater l'état du désespoir. Une couple de sans-abri à la veille de Noël. Ça, c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage sur les plus démunis. Voudrais savoir ton nom, voudrais voir ton taudis. J'habite pas des taudis, m'appelle pas, je viens tout seul. En fait, t'es point C, il y a ben mon point sa gueule. Chosen Johnny travaille pour les yuppies. Si j'avais le droit de voter, ben je voterais pas pour lui. Et alors, mais du salut, pourquoi tu vis dans la rue? J'ai dit, fais passe-moi un pote, puis je vais en compter des buts. Yeah! D'intérêt public, de savoir si je me pique. Tu vois-tu dans la robine, tu vois-tu dans les poubelles? Parle-moi les détails de ta vie sexuelle. Pantette, branlette, canette, ginette. Quand t'es mangé, je m'en vais me saouler. Tu vas savoir plus long si tu me donnes un peu de fric. C'est comme le téléthon à des alcooliques. Alors mets du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Que tu me penses moi à pas que je vais encore tes buts. T'as même pas d'adresse. Ça fait que t'as des checker un petit logement de pièces. On peut pas te le louer. T'as même pas de paix. À ce moment-là, j'ai dit, ben passe-moi un poc. Ben passe-moi un poc, puis je vais en compter des buts. Yeah!